Chapitre 11. Ce fut une belle mort, celle de Gaspard Mudden, une mort comme n'en ont pas souvent les rois, entourés de princes et de serviteurs. De chaque côté de son chevet, Conrad d'Epstein et Rosemonde lui tenaient la main, représentant sur la terre les anges invisibles du mourant, Wilhelmine et Noémie. Au pied du lit, pleuraient Everard et Jonatas. Les deux souhaits des derniers jours de Gaspard étaient ainsi réalisés. La mort la plus heureuse couronnait sa vie éprouvée, et son dernier soupir fut éclairé d'un sourire divin, aube du ciel qui colorait dès ici-bas son visage. Aussi la douleur des enfants qui perdaient leur père fut tempérée par je ne sais quelle confiance sereine. Cette fin, calme et belle comme un coucher de soleil d'automne, leur paraissait une récompense, et quand le lendemain, au point du jour, selon la coutume des laborieuses campagnes, ils accompagnèrent au tombeau le corps de l'aïeul, leurs larmes ne manquaient pas d'une certaine douceur pleine d'une espérance indéfinie. C'est à travers ces pleurs tempérés par la foi qu'Everard aperçut d'abord la blanche et rayonnante figure de Rosemonde. Nous l'avons dit, il attendait, dans son étourderie naïve, l'enfant joueuse et rieuse qu'il avait connue. Il s'imaginait qu'il allait la prendre par la main et la tutoyer comme autrefois, et qu'il débuterait en l'abordant par une franche accolade fraternelle. Mais l'enfant était devenu jeune fille, et en retrouvant son souvenir beau comme un rêve, Everard resta timide et muet, sans oser faire un pas vers sa sœur ainsi transformée. Il fallut même que sa silencieuse extase fût bien profonde, car elle lui fit oublier une seule minute, il est vrai, mais toute une minute, et le vieil ami qu'il venait de perdre, et le frère de son père qu'il venait de retrouver. Rosemonde était en effet une ravissante créature, déjà grande et formée à 15 ans, ce qui au premier coup d'œil frappait dans son aspect, c'était un éclat mêlé de charme, un air de sagesse et de bonté, quelque chose à la fois d'imposant et d'aimable. Il y avait dans son attitude une chasteté admirable, et dans la ligne fine et pure de ses traits, un calme infini. Son front lisse et ses yeux bleus semblaient le siège de toute paix et de toute douceur. Elle était belle de l'éternelle beauté des statues, vivifiée par une grâce fière et un enjouement modeste, comme en a prêté le seul Raphaël à ses divines madones. Qu'on se figure maintenant l'éblouissement que devait causer à notre sauvage Everard cette resplendissante apparition descendue en sa solitude. Toute simple que pouvait être Rosemonde dans sa démarche et ses vêtements, elle devait sembler une reine, une fée, un ange aux jeunes habitants de la forêt d'Epstein. Et cette première révélation de la beauté idéale remplit son âme d'un trouble inconnu. Il lui parut à lui, fils de comte, que cette fille de paysan était élevée à une hauteur qu'il n'atteindrait pas. Il mesura comme un abîme entre elle et lui l'admiration ingénue qu'elle lui inspirait, et il se dit qu'il ne pourrait jamais combler cet intervalle immense. Aussi, ce fut Rosemonde qui, voyant que son amie d'enfance semblait ne pas la reconnaître, s'avança vers lui et lui tendit sa petite main blanche en lui disant doucement « Bonjour, Everard ». Le charme était rompu. Pourtant, les quelques mots qu'Everard échangea avec Rosemonde étaient toujours marqués de ce respect étrange dont il s'était senti saisi à la première vue de celle qu'il avait jusqu'alors appelée sa sœur. Ce rapide entretien fait à voix basse et la rougeur au front fut bientôt interrompu. D'ailleurs, le jour de la mort de Gaspard devait être rempli par les prières, les graves pensées et les larmes. et le repas du soir eut lieu en famille, mais dans le silence. Le lendemain, au retour du cimetière, pendant que Rosemonde restait agenouillée dans la chambre occupée autrefois par Wilhelmine, au prie-Dieu de sa mère, Conrad d'Epstein prit à part Évrard et Jonatas pour leur faire ses confidences en même temps que ses adieux. Il fallait qu'il repartît sur le champ pour la France, où son devoir le rappelait. Il n'avait que trop tardé déjà pour voir ensevelir le père de sa Noémie. Mais il ne voulait pas quitter le fils d'Albine et le mari de Wilhelmine sans leur rien dire de sa vie passée et de son avenir. « Je suis rayé, leur dit-il, et de ma famille et de la vie. Hormis vous, nul ne s'intéresse à moi dans le monde. Vous seuls donc savez que j'existe. J'ai résolu de mourir tout vivant, d'éteindre mon nom et ma personne, de m'effacer de la terre. Mon histoire est triste et fatale. Vous en savez une partie, je vais la compléter et l'achever. Mon père m'a exilé parce que j'aimais d'un amour pur et saint. Alors j'ai cherché un refuge en France et je me suis renfermée dans mon amour. Gentilhomme, j'ai caché mon rang et j'ai pris un nom vague, un nom de bâtard. On m'a ainsi oublié et pendant quelque temps, je me suis presque oublié moi-même. Mais la Révolution grondait sur la France et il est difficile de préserver du souffle d'une tempête la flamme pure de l'amour. À mon insu, je respirais les idées électriques dont s'était chargé cet air orageux. Je lus Jean-Jacques, Mirabeau. Je me familiarisais avec les hardis penseurs du XVIIIe siècle. Les études et les rêveries de ma jeunesse m'avaient préparé d'ailleurs à cet apprentissage. Allemand banni par l'Allemagne, noble répudié par la noblesse, je pris la philosophie pour famille et la liberté pour patrie. Libre des instincts qu'on m'avait interdits, des préjugés qu'on m'avait défendus, je jugeais mieux du dehors ceux qui m'avaient chassé de leur rang, et je vis clairement, en même temps que leur gloire, les fautes de leur passé et les tendances contraires de l'avenir. Je repris alors non l'épée de comte, mais le sabre de soldat, et je mis au service de la jeune République ce qui me restait d'existence. Noémie, que son tendre cœur avertissait mieux que ma fière raison, me laissait faire sans jalousie et se contentait de sourire tristement. La noble femme était presque heureuse de me voir revivre avec cet enthousiasme. Je n'avais fait que mon devoir envers elle, certes, mais elle avait juré de me récompenser en me sacrifiant constamment son bonheur, son âme, sa vie. Elle a bien tenu parole. Elle m'encourageait donc à ce qui me ramenait à l'espoir et semblait partager mes illusions sans jamais se plaindre de l'abandon où je la laissais. Aveugle que j'étais, je ne compris pas son abnégation et j'allais sans m'inquiéter de son calme. Je ne devais pas tarder à me réveiller de ma double erreur. Les vins les plus généreux ont leur ivresse. Les premières fumées de la liberté troublèrent la raison de la France et je reconnus bientôt sur la paille d'une prison le néant de mes rêves. Vous savez le reste de mes malheurs. Ma Noémie ne se laissa pas distraire de son dévouement par la mort et pour mon nom que je lui avais donné, elle me donna sa vie. Pendant 3 ou 4 ans, je ne sais ce que je devins. Quelles ont été mes actions, mes pensées pendant ce terrible veuvage, je ne m'en souviens plus. Quels songes ont occupé mon sommeil, je l'ignore. Ce fut au bruit des premières victoires de Bonaparte que je secouais cette torpeur. Cadavre vivant, mon admiration me ranima. Les principes auxquels j'avais cru autrefois n'étaient donc pas des chimères, puisqu'il se faisait homme et se disposait à la conquête du monde. Je sentis que ma vie, abandonnée, perdue, pouvait encore être bonne à quelque chose, et que, dans les grandes époques, on peut toujours remplir son rôle et être utile, ne fût-ce qu'en se dévouant comme Curtius. Je ne tenais à rien et rien ne tenait à moi. Je me donnais comme un chiffre à ce qu'on appelait l'ambition de l'empereur. J'abdiquais mon passé, mes anciennes convictions et comme ma personne, pour m'absorber dans celui qui devait être la pensée de son siècle et pour devenir un instrument de ses projets, un manœuvre de son génie. Il me semblait qu'en lui obéissant, j'obéissais à un destin invincible. Il me menait, mais Dieu le menait, lui. Nous sommes beaucoup ainsi qui le suivons sur un mot, sur un geste. Tous ceux qui passent sous son regard sont fascinés. Tous ceux qui vivent dans son ciel vont à lui comme le fer va à l'aimant. Mais j'ai la fierté de croire que je me suis donné à lui par raison comme les autres par instinct. Où nous conduira-t-il? Je ne sais. J'irai avec lui jusqu'au bout du monde. J'ai idée même que je ne mourrai que lorsque ma tâche sera remplie et qu'il n'aura plus besoin de moi. Il n'a pas tardé à s'apercevoir de mon obéissance passive et pourtant intelligente, car c'est un homme à qui rien n'échappe. Il sait qu'il est mon but, mon maître, ma famille, ma patrie. Il me dit « Va là, j'y vais. Fais cela, je le fais. Quand il me dira « Meurs », je mourrai. Le tout sans répliquer. Il est ma volonté. » Cela vous étonne peut-être qu'un descendant des comtes d'Epstein agisse et pense de cette façon servile. Aussi ne suis-je plus Conrad d'Epstein. Conrad est mort. De quel nom m'avez-vous appelé, Jonatas, et comment avez-vous cru me reconnaître? Conrad est mort, vous dis-je. Mort deux fois et trois fois. Mort le jour où son père l'a chassé, mort le jour où sa femme est morte. Celui qui est devant vous et qui vous parle est un colonel français au service de l'empereur et revenant d'une mission secrète à Vienne. Napoléon, qui ne m'avait demandé jusqu'ici que mon sang sur les champs de bataille, a voulu employer cette fois mon intelligence pour une négociation, et j'ai suivi ses commandements comme toujours. Ils m'ont mieux reçu là-bas, sous mon simple nom de baptême, que si je m'étais présenté comme un des fils de Rodolphe d'Epstein. Il paraît que l'Autriche a résolu de faire de la Germanie une autre Espagne, et que, vieille dynastie jalouse d'un empire d'hier, elle veut appuyer l'insurrection de la péninsule. Elle a couvert l'Allemagne d'agents et de pamphlets, préparé une armée de 400 000 hommes et renouveler son alliance avec l'Angleterre. Je suis allé demander des explications, et l'on m'a répondu par des protestations. C'est pourquoi, avant un an, avant 6 mois peut-être, la guerre sera déclarée, la guerre contre mon ancienne patrie. Mais j'aime mieux ma patrie de choix que ma patrie de hasard, et la vraie mère à qui je dois avant tout ma vie, c'est la pensée. Jonatas, Évrard, vous savez tout maintenant. Je me suis cru obligé de donner une consolation au dernier moment du père de Noémie, et je n'ai pu m'empêcher de vous révéler ma vie à vous qui êtes si simple et si affectueux. Mais gardez-moi le secret, je vous en supplie. Il y a deux hommes en moi, je veux oublier le premier. Ce mois écoulé dans cette chaumière, je veux le regarder comme un rêve. Voici le réveil, et je ne me rappelle plus les doux fantômes qui m'ont obsédé. Je reprends mon œuvre et mon personnage, qui est devenu ma personne. Ami, pas un mot de ce qui s'est passé entre nous, je vous en conjure encore. Que je reste enseveli dans vos cœurs, que mon frère ignore surtout mon passage. Si je l'avais trouvé malheureux comme vous, Jonatas, je n'aurais pu résister au désir de l'embrasser, peut-être. Mais il est heureux, je le sais. Ne troublons donc pas ce bonheur. Maintenant, adieu, mes amis, il faut que je parte sur le champ. Vous reverrai-je? C'est comme il plaira à Dieu. Pourtant, quelque chose me dit que je ne quitte pas Epstein pour la dernière fois. Ainsi, au revoir, Jonatas. Vous recommanderez le secret à votre chère Rosemonde, n'est-ce pas? Toi, Everard, à qui je dois encore une révélation, veux-tu remonter le Rhin avec moi jusqu'à Worms et m'accompagner quelques jours? Conrad ajouta tout bas, nous parlerons de ta mère. Ah, cher oncle, je le désire autant que je vous aime. Eh bien, c'est dit. Dans une heure, nous partirons. Dans 8 jours, tu seras revenu. Everard était surtout satisfait de quitter Epstein, le croirait-on, pour s'éloigner de Rosemonde. Il avait comme peur d'elle et de lui-même. Il tremblait à l'idée de reparaître devant la charmante fille et acceptait avec joie tout ce qui pouvait retarder le moment où il se retrouverait seul en sa présence. Ses apprêts furent donc lestement et joyeusement faits. Ses adieux à Rosemonde passèrent sans trop d'embarras avec ceux de Conrad, et il ne s'aperçut pas du désappointement naïf qu'exprimèrent les traits de la jeune fille quand elle le vit s'éloigner si vite et si allègrement.